En ce moment, Louise vint jusqu'au groupe formé par la famille, auquel s'étaient joints les deux petits Hulot et le petit Wenceslas, pour voir si les poches de leur grand-mère contenaient des friandises. « Qu'y a-t-il, Louise ? » demanda-t-on. « C'est un homme qui demande Mademoiselle Fischer. »« Quel homme est-ce ? » dit Lisbeth. « Mademoiselle, il est en haillons, il a du duvet sur lui comme un matelassier. Il a le nez rouge, il sent le vin et l'eau-de-vie. C'est un de ces ouvriers qui travaille à peine la moitié de la semaine. » Cette description peu engageante eut pour effet de faire aller vivement Lisbeth dans la cour de la maison de la rue Louis-le-Grand, où elle trouva l'homme fumant une pipe dont le culottage annonçait un artiste en fumerie. « Pourquoi venez-vous ici, père Chardin ? » lui dit-elle. « Il est convenu que vous serez tous les premiers samedis de chaque mois à la porte de l'hôtel Marneff, rue Barbet de Jouy. J'en arrive après y être resté 5 heures, et vous n'y êtes pas venu. » « J'y suis été, ma respectable et charitable demoiselle, » répondit le matelassier, « mais il y avait une poule d'honneur au café des savants, rue du Cœur Volant, et chacun a ses passions. Moi, c'est le billard. Sans le billard, je mangerai dans l'argent. Car saisissez bien ceci, » dit-il en cherchant un papier dans le gousset de son pantalon déchiré. « Le billard entraîne le petit verre et la prune à l'eau-de-vie. C'est ruineux, comme toutes les belles choses, par les accessoires. Je connais la consigne, mais le vieux est dans un si grand embarras que je suis venu sur le terrain défendu. Si notre crin était tout crin, on se laisserait dormir dessus, mais il a du mélange. Dieu n'est pas pour tout le monde, comme on dit, il a des préférences, c'est son droit. Voici l'écriture de votre parent estimable et très ami du matelas. C'est là son opinion politique. » Le père Chardin essaya de tracer dans l'atmosphère des zigzags avec l'index de sa main droite.